Il est 21h53. Nortaom dort. Et les autres? Certains sont à terre agonisants. Eutx dans sa rumba. La porte grince. La pauvre 35 watts a une triste mine. Étrange ambiance. Les Guadeloupéens et ceux du cirque sont prêts à se jeter de la falaise. Heureusement, Granny est là. Elle semble toute joyeuse, bien que elle a l'air d'avoir subi des traumatismes physiques. Elle est toute aplatie. Le planning va bien. Il est tout coloré. Broadway is in the shit. Bon. Sinon, à part ça, les câbles USB semblent tels des molécules d'ADN. Et les échiquiers. Ou les échiquiers. Ils sont mal rangés. Ça se voit que une guerre sans fin s'empare de les livres bien rangés en rang, disciplinés, alors que les BD et elles semblent un peu plus bancales. Harry Potter. Pantin désarticulé. Et Dostoïevski, il est parti. Les frères Karamazov, dans l'autre. C'est tout? Oui, je crois.